ma bonne conscience est kidnappée pendant que mon whisky m'appelle. Ça fait un bail que je réagis même plus aux pétasses qui m'appellent. J'arrive plus à ce qui m'appelle, la rancune me fonde-t-elle. Trop de mal à pardonner mon paternel avec tout ce qu'il m'a fait. Écriture dantesque, est-elle dans le thème? Dis-moi ce que t'attends d'elle, moi j'écris mes 16 dans le tel. C'est terminé de gratter des sons avec la verdure. J'ai changé la recette, je l'ai troqué contre un peu d'amertume. Avoir des gosses a réveillé mon côté sentimental. L'apparence est trompeuse car dans le fond sache que Satan m'entaille. J'suis sur mes gardes, ne sois pas trop gentil, j'm'en tape. Ma méfiance plane alors envers les gens qui mentent. Grave à l'image de cette prod, mon rap est plutôt tranquillement. Calme, le boom bap me guide, je reste droit tant qu'il m'encadre. Y'a comme une odeur de rancune dans mon périmètre. J'ai donné ma confiance à des gens mais elle a périmé. J'essaye de plus croire en mes rêves depuis que j'ai 22 piges. C'est le manque de fric qui peut transformer mes projets en fin de tir. J'ai comme l'envie de tout arrêter chaque fois que la peine s'immisce. Sûr de garder le sourire vu que le succès d'estime rend pessimiste. Je vois des rémultes ici la pipe plongée dans le précipice. Très soi de ce que de parents loin de penser que j'aurais vendu près de 6000. Serre-moi un pessimiste, je fais partie de ceux qu'on plébiscite. Regarde la plèbe ici, plusieurs vies à subir les plaies d'Égypte. Est-ce une bonne note de finir sa vie sur une chanson triste? Au final je me dis que c'est peut-être pour mon bien que la chance m'évite. Putain de routine quand tous les soirs je me couche à 8h16. M'accroche à mes souvenirs comme le sang sur les neiges de Winterfell. Qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse trouve pas dans un livre de recettes. Les démons roulent en caisse, tiens-toi à l'écart si les vides se baissent. Je sais que je vous saoule avec ma vie, écoutez soyez cool. Au bord du gouffre je vois la mer, tu m'as m'apporte les soirs de blues. Yeah, original, bunker bros, bande d'enfoirés. Ghetto, ghetto, rockstar. Phonix, les rôdeurs. France, Québec. Même quand la tristesse parle, c'est toujours avec le fond la forme. Toujours avec le fond la forme. Toujours avec le fond la forme.